بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في المسألة 72 72 مسألة في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Dans le sens où Allah عز وجل dit que ceux qui ont mécru diront que si Allah avait voulu, nous n'aurions rien associé, nous ainsi que nos pères, et nous n'aurions rien rendu illicite. Sourate Al-An'am, verset 148. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه لأن الله لو شاء لم يشرك به شيئا ولم يحرم شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب. وقد قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وقال لو شئنا لاتينا كل نفس هداها وقال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. Donc il dit que ce noble verset cite une parole de ces mouchrikoun, que ce qu'ils ont dit en lui-même, c'est-à-dire la base de cette parole-là, c'est une parole qui est vraie, que si Allah avait voulu, il n'aurait pas associé. Et qui n'aurait rien rendu lucide. Parmi les choses qui rendaient lucide, comme certains animaux, certaines formes d'animal qui rendaient illicite à égorger ou quoi, il disait cela est interdit de le faire. Yani, kama yuqal, kama qala Ali ibn Abi Talib pour les Khawarij, yani, kalam haq urida bi batil, une parole véridique par laquelle le faux a été voulu. Également, dans le sens où Allah a dit que si Allah avait voulu, il n'aurait pas associé. Al-An'am, verset 107. Et qu'il a dit également, subhanahu wa ta'ala, dans le sens que si jamais nous avons voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidée. Al-Sajda, prosternation, verset 13. Et qu'il a dit également que si Allah avait voulu, ils auraient tous rassemblés sur la guidée. Al-An'am, verset 35. Donc tous ces versets-là montrent bien. قال وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا فما وجه تكذيبه أو تكذيبه تعالى لهم بقوله وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظن وإن أنتم إلا تخلصون. Donc maintenant, si jamais cette parole que les koufars ont dit était vraie, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal l'a démenti du fait qu'il leur a dit dans le sens, et c'est comme cela qu'on démentit ce qui était avant eux jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre châtiment. Dit, est-ce que vous avez donc une science que vous allez nous informer, mais vous ne faites que suivre les conjectures et vous ne faites que mentir. Et forger des mensonges. C'est-à-dire par rapport au fait qu'ils disent que si Allah avait voulu, ils n'auraient pas associé. Al-An'am, verset 148. Naziru hadha al-ishkal bi'aynihi wa surat al-zukhruf fi qawlihi ta'ala wa qalu law sha'a ar-rahman ma'abadnahum wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yakhrusun. Donc il a dit que le problème qui est cité ici également est le même problème qui est dans surat al-zukhruf, l'ornement. Lorsque Allah, dans le sens, il dit, et qu'ils ont dit que si le Rahman avait voulu, nous n'aurions pas adoré cela, c'est-à-dire ces idoles. Après, il dit, ils n'ont en cela aucune science. C'est-à-dire, ceux qui prétendent cela n'ont aucune science. Et ils ne font que forger des mensonges. Donc, la réponse. Anna, هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق ورضا به باطل. فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق. Donc la réponse, on dit que ce kalam véridique que ces koufars ils ont dit, c'est une parole vraie par laquelle est voulu un mensonge. Ils ont dit une parole qui à la base est vraie, mais l'ont utilisée pour un faux sens. قال ويدحه أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله أنه لو شاء لمنعهم من ذلك. فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم فكذبهم الله في ذلك مبينا انه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله تعالى ولا يرضى لعبادي الكفر. Donc maintenant, qu'est-ce qui éclaircit cela? C'est que tout simplement, eux, c'est quoi le sens qu'ils ont voulu en disant cette parole là en disant que le fait que Allah ne les ait pas empêchés de faire ce shirk qu'ils ont fait, de faire ces ma'asi qu'ils font, de faire cette mécréance qu'ils font, cela démontre que Allah agrée cela. Que Allah cautionne, même que Allah cautionne et consent à ce qu'ils font. Et Allah, bien sûr, a démenti cela en disant clairement qu'il n'agrée pas le couf. Comme il dit dans le sens, qu'il n'agrée pas pour ses serviteurs le couf. Zumar, verset 7. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا وهو زعم باطل بل الله يريد إرادته بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله تعالى ختم الله على قلوبهم ومع قوله تعالى ولا يرضى العباد الكفر والذي يلازم الرضا حقا إنما هو إرادة الشرعية والعلم عند الله تعالى. Donc là, les koufars, là, ça revient à la mas'ala de l'irada, ce qui est la volonté d'Allah, Azzawajal, ce qui est kouniya, qui est lié à la création, à l'être, et celle qui est shal'iyya, celle qui est liée à la législation. Que la kouniya, on avait expliqué qu'elle a forcément lieu et que Allah ne l'aime pas forcément. Alors que la shal'iyya n'a peut-être pas forcément lieu, mais que Allah l'aime forcément. Donc eux, ils ont appliqué le jugement de l'irada shal'iyya, de la volonté de la législative, sur la volonté kawniya. Chose qui est absolument faux. Et c'est un bête dans lequel se sont perdus les qadariyas, les gens qui ont voulu renier le destin. Donc Allah Azzawajal, lorsqu'il aura cette machia qui fait que ces gens-là ont fait du shirk, c'est l'irada al-kawniya et pas al-shari'ya. D'accord ? C'est l'irada al-kawniya et pas al-shari'ya. C'est-à-dire c'est une chose que Allah a voulu qu'elle ait lieu, et celle-ci, il ne l'aime pas. Mais elle a forcément lieu. Et ce n'est pas une irada shal'iyya, c'est que Allah aime. Et par preuve, il dit, dans le sens, et que Allah a scellé leur cœur. Surat al-Baqarah, verset 7. Et sa parole qui dit que Allah n'agrée pas pour ses serviteurs le kufr. Donc, celui qui veut vraiment l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est celui qui suit l'irada shal'iyya. Qui suit ce que Allah a voulu dans sa législation. Et la science auprès d'Allah Azzawajal. Donc le fait de se servir de la machia et du qadar pour justifier les péchés, ça c'est une chose qui est fausse, dont l'origine provient des kuffars. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa alhamdulillahi bil alamin.